Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie américaine uniquement à la vidéo. Le cerveau féminin dispose d'un corps calleux plus épais de 10% que celui du cerveau masculin, les femmes ayant jusqu'à 30% de connexion de plus entre les hémisphères gauche et droit. Voilà pourquoi elles sont capables de marcher, de parier et de mettre du rouge à lèvres en même temps. J'étais avec Angie Labouche, ma secrétaire, dans son appartement. J'étais triste, alors je me suis confié à elle. Elle a voulu me réconforter et de fil en aiguille, on s'est déshabillé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu d'érection parce que je pensais à toi. Tu n'as pas eu d'érection parce que tu pensais à moi. Alors à qui tu penses quand tu en as une? Catherine? Oui, chérie? Il t'est déjà arrivé de simuler quand on faisait l'amour? Pourquoi tu parles de ça? Je sais qu'une femme peut être épanouie sans avoir le moindre orgasme. Mais tu sais, c'est bien à chaque fois. Sincèrement. Merci. Rüdiger et moi, on a discuté. T'étais au courant de son aventure avec la femme pilote? Bon, non, ça va. Maintenant, tout ça, c'est du passé. Tu as raison. Maintenant, on va former une famille. Si tu savais comme je t'aime, Tania. Mélanie. Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes? Le titre en dit long sur cette comédie américaine de Lander Haussmann, un DVD métropolitain.